أحبابه أقاربه أصدقائه زوجته il fait tout عدو الله pour séparer المرء أي المسلم المؤمن من أحبابه que ce soit un proche un ami sa femme ses parents etc. فلهذا روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث صراياه يفتنون الناس هذا العدو الخبيث المجرم يضع عرشه على الماء Ça prouve que Iblis, il a un arche, un trône, et il l'installe sur l'eau. Thumma yab'ath saraya, ay junda. Il envoie ses troupes, ceux qui le suivent. Limada, li yaftinoun annas. Qala yaftinoun annas. Aye, pour propager le fitna bayna annas. Wa shahna wal baghda. Qala fa adnahum manzila, ay min Iblis, a'zamuhum fitna. Le plus proche, celui qui sera le plus proche de Iblis, manzilatan, et qui va rapprocher, ça sera celui qui a fait la plus grande fitna. Ça montre qu'ils veulent du char. Akhil Karim, intabih li hadhi l'umour. Hadha l'adou l'an que tu ne vois pas. Fa l'ayl nahar, huwa il est shaghal pour faire du mal. Fa adnahum manzilatan, a'zamuhum fitna. Qala. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجيء أحدهم فيقول واحد من هؤلاء من جنود إبليس واحد من الشياطين il revient quand الشيطان les envoie pour faire le fitna واحد منهم il revient فيقول فعلت كذا وكذا أي Il a été la cause d'une fitna. J'ai fait telle chose et telle chose. فَيَقُولُ إِبْلِيسَ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا Iblis, عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ يَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا Pourtant, ce shaytan khabith, il a fait du char. لكن pour Iblis, مَا فَعَلَ شَيْئًا لأن Iblis, son qasd, c'est... واحد, il fait beaucoup plus de char que هذا. قَالَ فَقَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ هذا الإنسان je l'ai pas délaissé ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه أي إبليس فيدنيه منه ويقول نعم أنت الحديث اللي في صحيح مسلم كما تقدم ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته سأسمونخ أن محاربة إبليس ألي مستمرة تأمل قوله ما تركته حتى Et je ne l'ai pas délaissé jusqu'à qu'il a divorcé sa femme. Ça montre qu'il est muhawala. Ba'd muhawala. Il essaye. Hatta hadha ar-rajul yufarriq imra'atah. Iblis yaqul ay ba'd hadha qala fayudnih minhu. Ad-dunu c'est le rapprocher, le rapproche. Wa yaqul ni'ma ant. Ça montre أن هذا الشر c'est un char عظيم. C'est pour ça qu'Iblis il est satisfait. وهذه الفتنة et c'est la kalima qu'on va traiter الآن inshallah تعالى avant de rentrer dans les nouveaux durus. أن هذا الشر أي les problèmes de couple qui poussent au divorce c'est une fitna عظيمة. Et هذا الحديث حديث جابر qui démontre Le but de Iblis, ça te prouve هذا. Et nous, on est dans un zaman أن هذه المشاكل كثرت. المشاكل بين المرء وزوجته. On est dans une époque أنها كثيرة. للأسف حتى الملتزمين بالسنة. حتى الملتزمين بالسنة. Ils ont من هذه المشاكل. Et on va voir أن ces مشاكل, elles peuvent être. Ces مشاكل, ça peut être des choses fondées. لكن كثير de ces مشاكل في الحقيقة il n'y a aucun fondement c'est الشيطان فقط il veut faire du mal à ce couple et يوسوس للرجل أو للمرأة وتتفاقم الأمور et yahsul al-shar. Al-hadar, al-hadar. Al-insan yakun aqilan. Et il est dans une ni'ma, ni'ma al-zawaj, fa il préserve hadhihi ni'ma bi qadr al-istita'a. Et le mashakil, les problèmes de couple, la shakya, pas un couple qui est épargné. Sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi khalqih. Et nous savons que les personnes, le couple, la femme et l'homme, Rubama, ils ont des natures différentes, Rubama, ils ont des comportements différents, Rubama, ils sont éprouvés. Chacun a les problèmes, ça arrive. Lakin, ces mashakil, elle a un ilaj, il y a des solutions. L'insan, la yasta'adil. La yasta'adil. Cheikh Abdelaziz, Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a une kalima jamila fi hada. Fanakra minha. Il cite, on cite les problèmes, ce qui pousse la cause, ou les causes. Thumma, on cite les solutions, al-ilaj. Thumma, inshallah, naqra kalam al-Sheikh Sa'di. Qala al-Imam, al-Sheikh Abdel Aziz, Ibn Abdillah, Ibn Baz, wa rahmatullah alayhi. Qala wa min al-muhimmat. التي تسبب شرا كثيرا بين الزوجين. Et il y a plusieurs choses. Il va citer quelques exemples هنا. Et نحن on essaiera de compléter. لكن هذا الكلام il est مهم لأن ces choses, ces problèmes, il y a des causes. وتعلمون أن الإنسان s'il veut régler les problèmes, أولا il doit connaître la cause. حتى celui qui a fait une erreur, يتوب إلى الله. Celui qui a fait une erreur, il peut la corriger. Les annahu, il sait c'est quoi cette erreur. S'il connaît les causes, ça lui évitera de recommencer. Les annahu, il sait que le problème, il vient de cette chose. Hada, c'est muhim. Ça nous montre, anna, akhil karim, si tu as des problèmes, étudie la cause de ces problèmes. Fa idha ulima sabab, batala al-ajab, kama qila. Si tu connais al-sabab, fa batala al-ajab. Amma, ne pas connaître les causes, فربما الإنسان يستمر على الخطأ وهو لا يشعر. ربما يفبت توبة لأنه يسبا إليه البروبلم. ربما يغفل cette chose. ربما تتفاقم الأمور. Un problème, c'est la conséquence d'un autre problème. هذا c'est مهم. Connaître الأسباب. Et ne pas se précipiter. Étudier les choses. Et لكل مقام مقال. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ومن المهمات التي تسبب شرا كثيرا بين الزوجين يبسط دي أمثلة قال في الوقت الحاضر بأسباب كثيرة أما notre époque نعم c'est كثير جدا الآن لماذا؟ لأنه on vit dans une époque الآن الفتن كثيرة on vit dans une époque أن الصبر لقليل que ce soit l'homme ou la femme il patiente beaucoup moins qu'avant. On vit dans une époque أن ربما واحد من الرجل أو المرأة يقدر pas cette نعمة يقدر pas نعمة الزواج فتو ça, ça pousse un petit problème ربما ça devient la cause d'un divorce وهذا لا ينبغي هذا لا ينبغي خاصة si c'est des problèmes que tu peux régler règle-les أخي الكريم. وبعضهم كذلك ربما يوسوس له الشيطان أنه سي ديفورس اي سو روماري ربما il aura plus de ses problèmes. هذا ما تدري. On a déjà cité أن لا يسلم أحد من المشاكل. Donc ça te montre أن المشاكل الزوجية تحصل. مهما بلغ مستوى الرجل أو المرأة في العلم والصلاح والتقى. Ça arrive. لكن الآن la question que nous qu'on se pose et le sujet qu'on va traiter, c'est pas le fait est-ce qu'il y a des problèmes là. Les problèmes il y en a et il y en aura dans les couples. لكن المسألة الآن c'est de connaître la cause de ce problème et de le régler. Et jour après jour s'améliorer. أما une vie sans problème là. أبدا. قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Un rajoul, c'est une fitna pour sa femme. La femme, c'est une fitna pour le rajoul. Et les enfants, c'est une fitna pour le couple. La dunya, c'est une fitna pour le jami'. هذه دار دنيا c'est دار ابتلاء. T'auras des problèmes. لكن الشأن, كل الشأن, c'est de régler ces problèmes. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه parmi ces asbab qui cite takhalluf az-zawj 'an al-bayt qala wa sahruhu al-kathir hatta la ya'ti ila al-bayt illa fi akhir al-layl. Et ça, c'est parmi les plus grandes causes des mashakil, des problèmes de couple, c'est hada. Al-rajul, il n'assume pas sa responsabilité. Fayata'akhkhar. Yata'akhkhar. Wa hada la yajouz la. Limadha li'anna la femme, sa femme en a haqq alayhi. Sa femme, rubbama, elle a des besoins fi hadhihi al-layla. Qawluhu hatta la ya'ti ila al-bayt illa fi akhir al-layl. Ayna haqq al-mar'a? Et qu'est-ce qu'il fait il a akhir al-layl? Tout ça, ça va pousser à des problèmes. Qala aw fi as-sabah wa yad'aha wahdaha aw ma'a atfalha aw wahdaha laysa 'indaha atfal. Et hada c'est ashad. Hada c'est ashad, rubbama li wahdaha miskina. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a pas razaq d'enfant, fatabqa wahdaha. Layla ba'da layla. هذا لا شك أنه سوف يفقد بروبليم لأنها لها حق على حق. فكيف هذا الرجل الآن يتأملوا؟ بعض الناس لا يفكرون. إلى في نعمة الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الزوجة إدلس هذه النعمة هذا الخير. ربما إلى في الشارع, ربما إلى avec فلان, ربما c'est quelque chose de tafé جدا. ويتأخر ويتأخر ثم سالويكوز دي بروبليم دون سون كوبل اي سي لوي لو ريسبونسابل. اما بعضهم والعياذ بالله يتأخر اي سي في معاصي. لو تأخر اي لا كوز كي رونتر با شي لوي تو سي العلم لا ينبغي له لان امراته لها حق. اون لوي دي تو رونتر اطلب العلم في بيتك اذن حق ازوجتك. ما بالك بعضهم يتأخر والعياذ بالله لأنه إلي avec des amis أصحاب سوء يا ربما الخمر وربما ils sont dans des مصائب وعظائم. قال الشيخ عبد العزيز قال فإذا جاء إليها فإذا هو قد تعب وانتهت قوته. Et ça c'est la cause des problèmes. Toutes ces forces et les amis de وفوا إغانت في آخر الليل ربما لا يكلمها من باب أولى أكثر من ذلك. لا يكلمها لأن toutes ses forces الآن les amis d'or. أين حق المرأة؟ Toute la nuit مسكينة لوحدها تنتظر ربما يدخل si il lui passe le salam. قال وقد انتهت قوته فيطرح نفسه ويضيع الصلاة. هذا سن مصيبة, هذا سن مصيبة لأنه الآن سيضيع حق الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الرجل الآن, هذا الرجل الآن يسفه جمال جدا لأنه يكمس par ne pas donner le حق à cette personne, sa femme qui a un حق عظيم عنده il est مسؤول عنها. ثم petit à petit c'est ce qui veut démontrer Cheikh Abdel Aziz رحمة الله عليه حتى حق الله سبحانه وتعالى il aura du تفريد فيه. قال ويضيع حق الزوجة ويضيع كل شيء حتى ينتفع من هذه النومة. نعم, son but الآن c'est de dormir فقط. الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تأملوا الشيطان كم يحارب هذا الزوج, كم يحارب هذا الرجل. ربما quelque chose de tafé, ربما في الشارع في تعب avec des amis. تأمل كم يضيع كم يضيع حياته. قال والمقصود أن هذا خطر عظيم. صحيح, هذا خطر عظيم. قال وهو واقع فيه كثير من الناس. صحيح, beaucoup de problèmes de couple c'est هذا. نحن نعطي الإكزامبل de la nuit حتى في النهار, حتى في النهار بعضهم ربما يخرج في الصباح يغوي في الليل. هذا لا, هذا لا. الإنسان إذن هذا الحق العظيم إلا أحيانا صعيب, أحيانا إلي مشغول في شيء quelque chose de مهم, هذا معروف. لكن باستمرار إدلس هذا الحق إدن plus d'importance à ce حق إدن plus d'importance à هذه المرأة ça fera des problèmes de couple. لأن المرأة الآن في هذا الحال elle va se sentir أنها elle est pas aimée, elle va se sentir أنها elle a pas d'importance. الشيطان il va la harb elle aussi الآن من هذا الباب

obligé de fermer les choses sur certaines choses, les yeux sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu t'es. انصح بالتي هي احسن. فالرجل يحترم اقارب الزوجه مثلا quand il les cite, بخير. لا تكون في غفله. Tu parles avec ta femme مثلا et tu critiques des membres de sa famille ولو سي بحق يؤثر عليها جدا لانها ضعيفه. كذلك المراه فبك سوى في غفله من سي على حق تطعن في اقارب الزوج صلتوش ولو سي على حق. لا, si elle reproche à faire, cette reproche elle est faite billati hiya ahsan et bi'ilm. Khassatan ta'lamun anna an-nas al-an aktharuhum ils sont fi jahl. Rubama ce couple il est à la sunna et toute la famille autour d'eux c'est des juhal. Sabr, c'est tamam. Comporte-toi avec eux comme tu te comportes avec les juhal. Kadhalik min al-asbab allati tusabbib ash-sharr bayna az-zawjayn tadakhul ba'd an-nas fi umur az-zawjayn. Et ça fait du mal, dit-elle. Ça fait du mal. Khassatan les proches. Khassatan le père ou la mère de l'homme ou de la femme. Ha'oula yunsahoun. Si tu vois que ça fait du mal, yunsahoun. Billati hiya ahsan, khassatan la mère. Billati hiya ahsan, tunsah. Et si tu n'arrives pas à la conseiller, anta, demande à ton frère ou à ta soeur ou à ta tante ou à ta grand-mère. Et tu lui montres en a certaines choses, cette belle-mère, ou ce beau-père, ou cette belle-sœur, ils ne doivent pas rentrer fi hada. Abadan. Hada c'est muhim. Khassatan au départ. Et khassatan quand tu n'as pas d'enfant. L'imad al yana au départ, rubbama la mère de cette fille, ou la mère de cet homme, ils ont encore l'habitude d'avoir des liens akthar. Le mariage, il s'est fait il n'y a pas longtemps. Faroubama a encore l'habitude de rentrer dans certaines choses. Fafil bidaya, as-sabr, c'est tamam. Et nasiha. Annahu l'an, il est marié, l'an, kada. Faroubama, certaines choses, la yaliq. La mère ou autre, tatadakhal fi. Ahada, c'est muhim. Wa asbab, okhra. On a cité ma taraha fil bal. Wa illa, celui qui vient à rechercher des causes, faroubama yajid akthar ou la shak min hada. فنص الله سبحانه وتعالى العافية. Tout ça, toutes ces causes, avec hadith Jabir qu'on a cité في بداية الكلمة, ça te montre أن الإنسان يحذر. ما بالك toutes ces causes, ça va mettre de la tension. ما بالك الشيطان, son but c'est هذا. ربما الشيطان une petite faille. هو وجنوده, ils font tout pour eux. Augmenter ce khilaf, pour rajouter de la tension. Walillahi alhamd, hadha ad-din, il est complet. Et hadha ad-din, on a les solutions. On a cité les causes, les problèmes. Il y a des solutions. Voilà, hadha ad-din, il est complet. Et nos savants, walillahi alhamd, souvent, ils conseillent hadha al-bab. Et nous, on va lire nasihat al-imam, al-shaykh Muqbil. Ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullah alayhi. Il a conseillé via hadha al-bab. Une nasiha azima. Qala rahmatullah alayhi. Il lui a posé la question. Hal lakum min nasiha ila al-zawjain ilman bi anna al-mashakil al-zawjiyya wa kathalika al-talaq asbaha aada ou aadatan, n'am, asbaha ayat talaq asbaha aadatan fi buyut al-mutamassikin bis sunna hatta asbaha al-amr fawda. Ça, c'est à l'époque de Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Déjà, les problèmes, il y avait beaucoup de problèmes dans les couples, et at-talaq, inda ba'd an-nas, c'est devenu comme une habitude. Et hada, c'est un shar azim. Il demande à Cheikh Muqbil, nasiha. Wa hakada, parmi les plus grandes causes pour régler les problèmes, c'est de demander nasiha. Si tu as un problème, ya akhi, la tasta'jil. Al-mar'a kadhalik, si tu as un problème avec ton mari, la tasta'jili. Demandez conseil. Si vous pouvez demander un conseil à un savant, un ni'ma, ou un talib ilm, ou un proche, un aqil. Quand tu es au milieu du problème, rubbama, tu perds de ton objectivité, ma'rouf. Tu perds ton sang-froid. Ou alors si tu es à l'ilm. Tu te sens attaqué, rubbama, shaytan, waswislak, rubbama, tu as subi une injustice. Et tu veux réparer les choses de la mauvaise manière. Amma, si tu reviens à quelqu'un, khassatan il est à la ilm, et

استوصوا بالنساء خيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال الشيخ مقبل والمرأة ضعيفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنجشة صحابي وكان يحدو الإبل أي يغني للإبل من أجل أن تنشط في السير فقال له مهلا بالقوارير et dans un lafd رفقا بالقوارير ça c'est Cheikh Mokbel est aussi sur ce hadith pour te montrer que le mar'a est ضعيف رفقا بالقوارير قوارير c'est comme un récipient en verre en cristal c'est très fragile ربما tu le bouges tu le fais tomber il se casse هكذا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم il l'a comparé بالقوارير فالي ضعيف فالكلام il doit être برفق tu lui montres بالتي هي أحسن elle s'est trompée c'est pas خلاص انتهى كل شيء elle s'est trompée on corrige et on se remet en cause وهكذا ثم قال الشيخ مقبل والمرأة والمرأة أيضا يجب أن تتقي الله في الرجل فهو يذهب إلى عمله ويعمل طول يومه et ça c'est important جدا أن المرأة elle doit reconnaître فضل الرجل قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء فهذا الرجل il fait des sacrifices il travaille il fait des efforts pour que cette femme elle soit fi baytiha ala hal hasan les enfants fal mar'a la yajuz laha tous ses efforts كانه il a jamais rien fait قال هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما من يدخل النار النساء une femme lui a demandé لماذا يا رسول الله quand il a démontré ان les femmes elles rentreront plus fin nar que les hommes une femme elle a demandé لماذا يا رسول الله il lui a répondu عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشير Ça, c'est une cause khatira. Takfurna l'ashir. Kufr l'ashir, c'est hada. Al-Rajul, il fait des efforts. Il travaille. Rubama, il lui fait des cadeaux. Yukrimha. Un jour, il a fait une erreur ou il a eu un manque. Certaines femmes, ka'annahu, cet homme, il n'a jamais fait de bien. Et ba'duhum, tosarrih. Ah, depuis que je suis marié avec toi, je n'ai jamais vu de khair. Depuis que je suis marié avec toi. Na'oudou billah. هذا لا يجوز. Et ça, ça met de l'attention. الرجل مثل هذا الكلام يؤثر عليه جدا. Et ça va le freiner. Il fait du khair, il sait que cette femme, elle ne reconnaît pas le khair. Ça le freine. فاتق الله في نفسك. قال فلا ينبغي أن يرجع إليها فتقوم بمحاسبته على كل صغيرة وكبيرة. Et ça, كذلك, ça augmente les problèmes. المحاسبة على كل شيء. Pourquoi t'as fait? Pourquoi t'as pas fait? Là. Là, il y a des choses, ma'am. Il y a des choses, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Là, il y a des choses, ça. Kadalik l'homme. Là, il y a hasib ma'atahu ala kulli shay. Il rentre fil bait. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Là, ça, c'est faqil ala nafs. S'il voit qu'une chose, elle se répète, billati hiya ahsan. S'il voit que c'est une chose, c'est la première fois que ça arrive, ya akhi, ferme les yeux. Wa'aduhum. Et c'est déjà arrivé. Il a mangé. Thumma. Il y a eu quelque chose avec sa femme. Et sa femme, elle n'a pas rangé ba'd. Elle n'a pas nettoyé la table, etc. Takallamaha, elle n'a pas voulu. Liana, elle est énervée. D'habitude, elle le fait. Ya akhi, vi hada al-hal, wallahi, la tatakallam. Range tout seul, nettoie tout seul. Fais la vaisselle tout seul. Wallahi, c'est ashad alayha min ad-darb. Tata'athar, diddan, parle pas. Elle ne veut pas faire, fais. Si elle te dit pourquoi tu fais, bah parce que toi tu ne fais pas. C'est pour ça que j'ai fait. T'aurais fait, je ne l'aurais pas fait. Wallah yu'athir alayha jiddan. Amma ba'aduhum, khalas, inad. Pourquoi tu ne ranges pas? Pourquoi tu ne nettoies pas? Pourquoi? Pourquoi? À la fin, t'es taliq. Et le shaytan, il a ce qu'il voulait. Là, ça arrive. Elle est énervée. Elle est énervée. Ça arrive. Elle n'a pas rangé une fois. Tous les jours qu'elle a rangé, khalas, c'est tout. T'as oublié hada. Là, riyad al-hal, rifq, rifq. Et tu lui montres si elle ne veut pas, fait tout seul. Et tu vas voir le lendemain, elle va s'excuser et on n'en parle plus. Ah, là, c'est mohim le kalam de Cheikh Mokbel. Al-muhasaba ala kulli saghira wa kabira avec l'inat, ça fait des problèmes. Dites-le. Qala Cheikh Mokbel, qala bal yajib alayha an takoun ni'ma l'aoun lah. Sahih ta'awun. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala l'mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Wa shabaka bayna as-sabi'i. معروف الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن avec un مؤمن c'est comme une construction هذا إلاد هذا وهذا إلاد هذا ما بالك مرأتك ما بالك مرأتك من باب أولى والمرأة ما بالك بزوجك من باب أولى قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه كما قالت خديجة وقد أتاها النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا من الخوف لأنه رأى جبريل وضمه فخاف أن يكون شيطانا أو غير ذلك فقالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله et ça c'est un مثال عظيم au départ quand جبريل il est descendu avec la révélation c'était شديد على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل معروف السورة Khadija, ça a été une des causes qui a beaucoup aidé le Nabi alayhi salam. Dès que l'homme il a besoin, khalas, hiya tat'an fi. Hiya tat'an fi. Et ça fait du mal au rajul. Al-mar'a, ta'ammal Khadija al-an, c'est un exemple pour les sœurs. C'est un exemple. Et nahnu, c'est un exemple pour tous les couples hada. Khadija, ça a été la première personne qui a aidé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est son mari et elle lui veut du khayr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tafadatit min Khadija. Elle l'a aidé jiddan. Hakadha les couples. On s'entraide. Tant que fi hadha al-mar'a y a du khayr. Tant que fi hadha al-rajul y a du khayr. La al-asl, c'est ça, c'est l'entraide. L'entraide et on se corrige. On se corrige. Tu l'aides. Cet homme, il a un défaut. Tu l'aides. Cette femme a un défaut, tu l'aides. Le but, c'est d'enlever ce défaut. Le but, c'est de vivre à la khayr. Le but, c'est de rentrer fil jannah. Le but, c'est pas que le wahad veut éliminer, massacrer l'autre. Na'oudou billah. Qala al-shaykh Mokbil, rahmatullah alayhi. Qala fal-ladhi yanbaghi lil-mar'a an tattaqi Allah subhanahu wa ta'ala fi al-zawj. Et kadhalika al-zawj. Yattaqi Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhi al-zawja. قال وأن تصبر عليه وبعد أيام يأتيهم أولاد فيشغلون بأولادهم. Ça c'est une فائدة عظيمة. C'est une فائدة عظيمة. Et ça montre l'expérience de Cheikh Mokbil. أن les problèmes de couple c'est beaucoup au départ. خاصة quand il n'y a pas d'enfant. لأن كل واحد découvre l'autre. S'il y a du عناد et du كبر خلاص كل واحد veut éliminer l'autre. Quand il y a الأولاد خلاص. خلاص الأولاد ils prennent du temps. Et les nerfs que l'homme il a ça, les nerfs que l'homme il a avec la femme elle a ça passe sur les enfants les enfants il prend un coup ça évacue quand il n'y a pas d'enfant là, s'il n'y a pas ce sabre ça fera des dégâts et c'est pour ça que tu vois là, il y a une différence entre les couples qui n'ont pas d'enfants ça fait 6 mois de mariage maintenant et tu prends l'exemple de nos parents maintenant. Ils ont des 30 ans, 40 ans de mariage. Robin Mahada, il a 5, 6, 7, 10 enfants. Là, t'as qu'à t'entendre, il y a un problème entre eux. Là, khalas, l'orage, il est passé. Allah y'in. Kadhalik, al-du'a, c'est muhim. Intaha kalam Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi. Kadhalik, al-du'a, c'est muhim. Al-du'a. Qala Azza wa Jal, amman yujib al-muttar, idha da'a, wa yakshifu al-su'a. Fait, tu reviens, il Allah subhanahu wa ta'ala. Si t'as des problèmes, khasatan ahiyan, les problèmes c'est amplifié, tu sais plus comment faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est qadir ala kulli shay. Wal qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman, yuqallibuha kayfa yasha. Ce qalb de cette femme, t'as des problèmes avec elle, ou le qalb de cet homme, cette femme elle a des problèmes avec cet homme, ils sont bayna usbu'ayn min asabi' Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. On revient à Allah azza wa jal. Il est capable de guider qui il veut, subhanahu. كذلك التجاوز والعفو c'est مهم si tu sais qu'elle a fait une erreur et elle reconnaît يا أخي اعفو عنها تجاوز elle a reconnu اعترفت خلاص qu'est-ce que tu veux de plus وبعضهم ils ont de la قسوة ربما cette femme elle a fait une erreur elle reconnaît كأنه يفعل يعاقبها خلاص يا أخي elle est ضعيفة et أنت كذلك si tu fais une erreur demain, t'aimerais qu'elle te pardonne. Ou al-jaza min jins l'amal. Si tu as de la shidda et t'acceptes pas quand quelqu'un fait une erreur et il te demande pardon, t'acceptes pas. Rubbama tubtala fi awladik, rubbama tubtala fi ahab al-aqarib ilayk. Tu te trompes, tu lui demandes pardon et il rejette. Et c'est shadid ala nafs. Fattawadu' c'est muhim. Hada alladhi aradna. On voulait citer quelques causes. Quelques solutions. Et après, le sujet il demande. Le sujet il demande de la inaya. Il y a ce problème là. Les problèmes de couple. Nadir, celui qui n'a pas connu ou qui ne connaît pas Hadashid. Ça, c'est un char qui est propagé. Al-inaya bi hada shay, c'est muhim, des nasa'ih. Que ça soit fil khutab, que ça soit des doros, que ça soit des muhadarat, que ça soit des conseils, que ça soit des rasa, il écrit des traductions, c'est muhim fi hada. C'est muhim, lianna tout le monde est touché. Bain muqil wa mukthir. On finit cette kalima avec tafsir qawli Allah jalla wa ala. On va lire min tafsir Cheikh Sa'di qawli Allah subhanahu wa ta'ala في سورة النساء قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. Vous allez voir pourquoi on lit ce verset et vous allez comprendre pourquoi on lit ce tafsir. قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Inna Allah kana aliyan kabira. لماذا on lit ce verset et on va lire le tafsir? لأن أحيانا les problèmes ça se règle pas et ça va plus loin. في هذا الحال Allah سبحانه وتعالى il te cite le comportement à avoir. قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. Premier حل. واهجروهن. Deuxième hal, fil madhaji. Wadribuhunna, troisième hal. Allah subhanahu wa ta'ala, il te cite les étapes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ahkam al-hakimi. Qawluhu, on lit min kalam al-shir, ça dit, qawluhu, wallati takhafuna nushuzahunna, al-nushuz, c'est al-isyan. Fil lugha, c'est l'irtiva'. L'irtiva' en ta'at al-zawj. Fassi, après tout ça, t'as peur, من هذه المرأة النشوز أي العصيان الأوبي بلو. قال سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أولا النصيحة. قال الشيخ سعدي أي بيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب في معصيته أو من معصيته. ça c'est مهم. Quand tu as des problèmes et tu sens que hadhihi mar'a, elle ne veut plus obéir, et ça atteint un niveau grave là. Elle nous chose, elle ne veut plus obéir à son mari. Al-mu'idha. Ne désespère pas, abadan. Khassatan, si c'est une femme qui aime le din, qui aime le kitab, qui aime le sunnah, qui aime l'ilm, al-nasiha tu'athir fiha jiddan. Qala al-shaykh Sa'di, qala fa'in intahat. فذلك المطلوب. الآن الكلام il faut bien comprendre, on parle la femme elle est en tort là. فلهذا قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. أي c'est une عاصية. Elle est en tort. في هذا الحال ينصحها. Si elle obéit, bien sûr la nasiha avec tout ce qu'on a cité auparavant, الرفق, الكلام الطيب, la patience, il lui laisse du temps, يكرمها. Tout ça si elle n'accepte pas. قال الشيخ سعدي وإلا فيهجرها كما قال سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. si elle accepte pas الهجر الهجر c'est أشد ما يكون عليها خاصة في المضاجع. en dehors du bait là لا تهجرها. en dehors du bait quand c'est problème elle veut plus t'obéir, maintenant tu sors معها chez son père, chez sa mère, لا تهجرها أمام الناس. لكن في البيت الهجر. et tu vas voir ça يؤثر عليها جدا. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه قال وإلا فيهجرها الزوج في المضجع. قال ولا يجامعها. نعم il l'approche plus. قال بمقدار ما يحصل به المقصود. s'il sent que après cette étape elle revient, ça c'est ça le مطلوب. c'est ça le مطلوب. et pour elle, c'est un dars. C'est un adam al-durus, hada. Pour elle. Qala, wa illa darabaha daraban ghayr mubarrih. Eh, n'am. La yuqabbih. La yadrib al-waj. Il tape pas des darab. Annahu, il va lui casser quelque chose. Il va la blesser. Abadan. Hatta ja'a an ba'di salaf. Annaha, rubbama, il la tape bis siwak. Siwak, oud siwak. Amma, la boxe, là, la yajouz. Qala, قال فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور c'est ça le مطلوب. الآن troisième étape. Il l'a conseillé, elle n'a pas accepté. Al-Hajr, il ne l'approche plus, ça ne change rien. Bel, Rubama, ça rajoute. Al-Dharb, laquelle on a dit, Dharb, غير مبرح. Dharb, yassir. Ça ne marche pas. قال, فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور, قال, وأطعنكم, فلا تبغوا عليهن سبيلا. أي, فقد حصل لكم ما تحبون, فاتركوا متعبتها. معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. Si après les trois étapes qu'on a citées, elle obéit et elle revient, خلاص. تنقيب, c'est comme il a cité Cheikh Mouqbil, المحاسبة على كل شيء. Mais en fait, je me rappelle, t'avais dit, mais pourquoi? La خلاص. Elle est revenue, المقصود اللي حاصل, elle a compris. الآن بقي, si après tout ça, elle n'accepte pas. قال وإن خفتم قول الله عز وجل. Le deuxième verset, toujours min surat al-Nisa. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Après tout ça, دائما les problèmes ils sont là. بل كما قال عز وجل وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ. أي أَلِي فِي الشِّقْ وَأَنْتَ فِي الشِّقْ. خلاص. الآن les problèmes ils se sont aggravés. في هذا الحال la solution. الآن t'as fini نصيحة, t'as fini الهجر. La solution, كما قال عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Toi, il y a une personne qui te représente, ton père مثلا, et elle كذلك, il y en a entre vous, خلاص, tu peux plus parler. Elle مثلا son père, et les deux, bien sûr, on va pas lire tout كلام الشيخ سعدي, لكن les deux ils doivent connaître l'affaire. والحكم il doit juger بعدل, donc il doit connaître. فمثلا أنت t'explique ton cas à ton père. Il y a eu telle chose, je lui ai dit telle chose, j'ai essayé. Elle explique son cas à son père. Il m'a fait. Les deux se rassemblent, c'est des uqala. Thomas, ils discutent de l'affaire. S'ils arrivent à réconcilier, maintenant le père, il conseille sa fille. T'as tort dans cette chose. C'est ton mari qui a raison. Le père du mari, qui conseille son fils, il lui dit, dans telle chose, t'as raison, lakin, dans cette chose, t'as tort. Enfin, les deux, ils font tawba, les deux, ils reviennent, ils arrivent à réconcilier. فسيس المطلوب فلهذا قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما سيس المطلوب سي après tout ça ça marche pas قال فإن وصلت donc après que il y a eu ce إصلاح les membres de la famille يتدخلون etc. قال فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما. Ça arrive هذا. مثلا une chose grave. مثلا cette مرأة elle est partie du بيت. مثلا il y a une chose grave, elle ne veut pas faire توبة. مثلا cette مرأة elle a délaissé الصلاة. أو العكس, le mari ne fait plus الصلاة. Il a été conseillé. Il faut que tu fasses الصلاة. Cette femme elle ne reste pas avec un homme qui ne fait pas الصلاة. Ou cet homme, il ne peut pas rester avec cette fille, cette femme qui ne fait pas cela. Maintenant, elle ne veut pas faire tawbah. Fait al-halla. Ça montre qu'il y a des cas. Il ne faut pas lâcher. Ça arrive beaucoup. Des couples, maintenant, cette femme, elle ne veut plus mettre le hijab. Il l'a conseillé. Il l'a hajr. Il l'a corrigé. Elle ne veut pas. Il parle à son beau-père. Il parle à la fille. Elle ne veut pas. Fait al-halla. Elle veut d'un tu baisses les bras. Ton din, il passe avant. Allah subhanahu wa ta'ala, il te razaq afdol minha. كذلك la femme. Ce mari, s'il ne veut pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va razzaq, bi'idni Allah, cette femme, afdal min hadha ar-rajul. Dans ces cas, on ne baisse pas les bras. قال الشيخ سعدي, قال فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعادة والمقاطعة. كذلك, les problèmes, ça a été loin. L'homme, il ne peut plus supporter la femme. La femme, elle ne peut plus supporter l'homme. S'ils se remettent ensemble, ça va faire des dégâts. Encore pire. في هذا الحال, قال, ورأي أن التفريق بينهما أصلح. Après avoir étudié l'affaire, on se rend compte que Al-Ahsan, c'est qui se divorce. Et là, ça va de pire en pire. Khasatan, s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, c'est une autre mas'ala. Il faut tout faire pour préserver ses enfants. Il y en a des enfants qui grandissent sans père ou sans mère, c'est pas taillé. Il y en a l'enfant, il a besoin de hada. S'il n'y a pas des enfants, c'est as'al. S'il y a des enfants, yundar. Mais même à rien, il y a des enfants. Et la solution, c'est الطلاق. قال الشيخ سعدي قال فرقا بينهما. في هذا الحال, ceux qui sont rentrés dans l'affaire, ils demandent le divorce. أحسن قال الشيخ سعدي ولا يشترط رضا الزوج إلى آخر أساس المسائل في الفقه على كل حال سي سابوس أن المصلحة أفضل سالفراق سالطلاق بيان سور المصلحة أكبر من المفسدة لأن يد المفسدة في الطلاق لا شك لكن المصلحة لي بلو غران لي زيكزومبل كون سيتي ففي هذا الحال الطلاق سي أفضل فلهذا الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لأن الله سبحانه وتعالى سي الحكيم أحيانا الطلاق سي من رحمة لكن on ne fait pas ce bab لأن في الطلاق tu vas trouver deux extrêmes et un juste milieu tu vas trouver un extrême ربما il manque du sel في الطعام دي طالق il a طلق ça c'est du relou لا يجوز له tu vas trouver un autre extrême un des membres du couple homme ou femme ils ont délaissé le salat ربما un des deux elle est conseillée il fait plus salat tu peux plus rester avec lui elle dit là je peux pas le quitter أعوذ بالله هذا كذلك سي شر tu trouves le juste milieu أن الطلاق كما يقال سي آخر العلاج سي كالكي الكي سي آخر العلاج الطلاق سي لا dernière chose vous avez remarqué que في الآية الله سبحانه وتعالى il a pas cité الطلاق إلا في الأخير إلا في الأخير avec تفسير العلماء tu comprends que s'il n'y a plus de solution ceux qui sont rentrés pour juger l'affaire ils demandent الطلاق هذا فتو لس الطلاق آخر شيء أحيانا الطلاق سي نعمة فلهذا الله شرع ما بالك يغيب الطلاق cette femme tu peux plus أحيانا tu peux plus elle peut plus ça fait que du mal il y aurait pas de talaq ça serait du شر لكن الله شرع الطلاق وأحيانا سي مأمور به لأنه للمصلحة et c'est tout ça qu'on va étudier بإذن الله جل وعلا et c'est pour ça qu'on a fait cette مقدمة C'est tout ça qu'on va étudier à partir de demain dans nos durous. On va étudier ensemble l'ahkam al-talaq min al-mulakhas al-fiqhi li Cheikh al-Fawzan. Il a un bab tayyib fi al-talaq. Inch'Allah, on va étudier ces masa'il. Lianna, t'as besoin. Nahnu, on conseille les couples annahum, ils pensent pas au talaq. Laisse le talaq la dernière chose. Ouvre pas ce bab. بعضهم يكمنس طلقة ثم طلقتين ثم يسيبلو كومون فير ثم يغرغرت لا لكن تا بزوان دو كونيت سي احكام لا سا بو تاريفي سا اريفا سيرت الصحابه سا اريفا دي علماء الطلاق سي با ان عيب ابدا نو كرو با كلو ديفورس سي ان ديفو او سي ان مانك ابدا احيانا سي الحق احيانا يفو لكن ليبوك او كون في اكثر الناس سو كي ديفورس سي دي شوز سا ميريت با الديفورس في الحقيقه فلا افراط ولا تفريط لو جوست ميليو دائما ليسونسييل سي تاع الحق tu divorces c'est bi haqq tu divorces pas c'est bi haqq هذا ليسونسييل سي تان سني تي tu fais des efforts في العلم divorcer ou pas لكن شاك شوز كما قيل لكل مقام مقال ولكل حادث حديث هذا نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد فأ partir de demain on commence les دروس في الطلاق والله سبحانه وتعالى الموفق ومن عنده شيء ربما نوبلي كلك شوز ربما أن تنبيه مهم حياكم الله والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين